Je l'ai Juliette à Roméo, je l'ai ce Poiré à Céro, je l'ai ce Chloé à Daphnis, Pénélope à Ulysse, Lorraine à Hardy, Dutron à Tizini. Je laisse les œufs à la coque, je laisse la Vénus à Milo, je laisse la Goldwyn à Métro, Maclé à Molette, Perrette au Potolet, Bouvard à Pécuchet. Parce qu'hier j'ai fait le testament, aujourd'hui je dois faire mon testament, le testament des testamours, le testament. Je laisse mon go à Millot, je laisse Roger Pierre à Thibault, je laisse Sarah à Bernard, à Roi à Ménard, les gondoles à Venise et mon tir au bouchon. Je laisse Giscard à son destin, je laisse Milou à Tintin, je laisse Johnny à Lidet, ma chemise au poker, ma bébête au bon Dieu et ma main au panier. Parce qu'hier j'ai fait le testament, aujourd'hui je dois faire mon testament, le testament des testamours, le testamour du testament.